A pinstripe suit, oh, the very dullest suit you've ever seen. 6 o'clock on Friday night, I took the trousers off and I never planned to put them on again. And once I had a plain white shirt, oh, the very dullest shirt you've ever seen. 6 o'clock on Friday night, I threw it in the wash and I never planned to iron it again. Oh, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there alive. And once I had a sober tie, oh, the very dullest tie you've ever seen. 6 o'clock on Friday night, I poured myself a drink and I never planned to sober up again. Oh, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there alive. If you want to make a change, bring it on. If you want to pay me off, then bring it on. Restructure if you like, I'm off on me bike, and you'll only mess it up when I am gone. Oh, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there alive. I could stop in bed and I'd never stir till dusk begins to fall. Or I could sit up till the sun comes up and play me old guitar and never get a wink of sleep at all. Oh, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there alive. Or tomorrow I could sail away on a pirate ship across the Spanish main. Or I could buy myself a motorbike and ride it all the way from here to Timbuktu and back again. Oh, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there alive. Yes, it's only fair to be grateful for the years of 9 to 5. I don't care, I'm happy I got out of there. I got out of there at last, got out of there alive. Hello and welcome, bonjour et bienvenue à bord de la Croisière Folk, cette émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Avant de démarrer, eh bien, je voudrais vous signaler qu'on a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Et si vous avez envie de nous écrire, eh bien, c'est très simple, lacroisierefolk@yahoo.com. Vous pouvez aussi nous réécouter sur irdis.at. On a démarré avec Chris Manners et la chanson Sweet. En fait, il fait partie de ces brillants musiciens folk qui sont capables d'écrire des chansons hilarantes qu'il interprète avec un flegme irrésistible, accompagné bien sûr d'une guitare tout en finesse. Chris Manners, donc. On va poursuivre avec une artiste qui nous vient du Québec. Elle s'appelle Lorraine Boileau. C'est une nouveauté radio qui aborde un thème important, la dépendance aux drogues et l'impuissance de pouvoir aider quelqu'un aux prises avec cette dépendance. Et la chanson s'appelle Tiga. Ensuite, il y aura Félix Leroux, Réveillez-vous. Alors, c'est une chanson humoristique, satirique, qui décrit le fil de pensée d'un personnage aux multiples croyances douteuses. On en connaît tous. Ce dernier, bien convaincu de ses conclusions, se permet de juger les gens qui pensent différemment de lui. Et c'est une chanson extraite de son premier album, qui s'appelle On Sort Jazz. Il y aura aussi Fred Morrison, avec un petit medley. Voilà, j'espère que vous allez une fois de plus passer une excellente heure à l'écoute de cette émission. Donc on va voyager, on va découvrir, on va s'émerveiller. Voilà, donc que dire de plus? Allez, tout de suite, voici Lorraine Boileau avec Tiga. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Tiga, tu perds le cap depuis déjà trop longtemps. Toujours trouvé que j'avais des opinions tranchées. C'est vrai que je tiens mes idées, je me laisse pas influencer par ceux qui aiment ça argumenter. Comme les faux experts à la télévision qui font toutes sortes de recommandations. Moi, ça fait longtemps que j'ai catché que tout ce monde le sait payer pour essayer de me manipuler. Moi j'ai jamais trouvé ça ben net. Non. Cette histoire de réchauffement de la planète. Pourquoi faudrait s'inquiéter pour une coupe de degrés quand on a tout l'air climatisé? Ah oui. En plus, ils disent qu'il faudrait diminuer notre consommation d'eau en été. Mais non. L'océan va pas se vider, ils viendront pas m'empêcher d'arroser mon pot driveway.

on découvre l'album d'un groupe qui s'appelle Ganaïm et c'est Musique du Moulin. Le titre original est en gaélique irlandais, donc je me suis dit que j'allais le traduire. Alors, c'est leur tout premier album hein, de ce duo folk celtique allemand formé par Pinto, donc qui est chanteur et multi-instrumentiste, qui est issu de Versengold. Et Saskia est au violon. Alors ensemble, ils nous embarquent dans un véritable voyage musical à travers les paysages brumeux de l'Irlande, les batailles héroïques de l'Écosse et les danses joyeuses sur les plages bretonnes. L'album puise dans le répertoire traditionnel des anciennes terres celtiques avec des morceaux transmis de génération en génération, enrichis de nouvelles couleurs et arrangements grâce à l'ajout de mélodies originales, de rythmes inattendus et à la participation de musiciens invités. Ganaïm réinterprète ses chants ancestraux avec fraîcheur et respect. Ballade envoûtante, chansons entraînantes et instants de pure émotion s'alternent avec justesse. Donc cet album Musique du Moulin est un hommage vibrant au patrimoine celtique, réinventé avec passion et sensibilité. Et je vous propose comme d'habitude 3 morceaux, puisque 1, 2, 3, eh bien c'est 3 morceaux pour vous faire découvrir un album. Il y aura The Burning of Ocean Dune, Monaghan Jig et Olandro. Alors en fait, Olandro, ça veut dire dansons l'andro. C'est une invitation à danser cette célèbre danse en cercle typique de la musique bretonne. Et je salue tous les Bretons qui nous écoutent. Et bien sûr, tous les autres aussi. 1, 2, 3, lancez la musique. As I came down by Fiddy's side on a May morning, there I spied Will McIntosh and not a for the dawn. Turn again, turn again, turn again, I bid ye. Gin ye burn on Aachen Doon, huntly he will heed ye. May, hang me, that shall never grieve me. I will burn on Aachen Doon, for my life it leaves me. Not here today, not on this very morning. Gordon's fate he chose himself by treachery and scorning. Hear me, see me, in Ricolo the scorning. I stand here shod loud and clear to Aachen Doon my warning. Burning, burning, all Aachen Doon is burning. For Bonnie Earl of Murray's death due to the bones is burning. You know them well, bring justness to these knaves. But rest your case and clear your side, or follow them to their graves. Follow them, follow them, or follow them with joy and pride. Sing ye has spelled a better face than your ain tonight. Follow them, I follow them with joy and pride. Sing ye has spelled a better face than your ain tonight. Down by Aachen Doon on a May morning, Aachen Doon is in a flame and ara for the dawning. Crowing, crowing, your crows were crowing. You burnt your crops atin your wing and ara for the dawning. Crowing, crowing, for all your crows were crowing. You burnt your crops atin your wing and ara for the dawning. Et voilà, un nouvel album que l'on découvre dans 1, 2, 3. C'était le groupe Ganaim, un groupe de folk celtique allemand avec leur album de 2015, Musique du Moulin. Et c'était The Burning of Oshindun, Monahan Jig et Ol Andro qui nous ont permis de découvrir cet album qui peut-être va figurer dans votre discothèque. Bien, passons maintenant à ce moment poétique de l'émission. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette émission et avec qui je suis connecté sur Facebook. Régulièrement, des gens me demandent de connexion et c'est chouette parce qu'on peut échanger pas mal de choses. Et ça m'a inspiré pour la poésie d'aujourd'hui parce que je vais vous diffuser William Shakespeare et le sonnet 18. Il est lu par Siobhan Redmond. Alors, ce sonnet 18 de Shakespeare débute par « Shall I compare thee to a summer's day ?» est l'un de ses poèmes les plus célèbres. Il célèbre la beauté intemporelle de l'être aimé, jugée plus constante et plus parfaite qu'un jour d'été, tandis que les saisons passent et que la beauté naturelle se fane. Celle du sujet du poème, elle, ne s'altère pas. Grâce à la poésie, cette beauté est immortalisée pour l'éternité. Le poète affirme que tant que les hommes vivront et liront ces vers, le souvenir de la personne aimée perdurera. C'est un hommage vibrant à la force des mots et à l'amour éternel. Et c'est vrai qu'on parlait de beauté et justement je disais que ben, les canons de beauté dépendent aussi de l'endroit où on se trouve. Hein, et puis parfois, il faut regarder à deux fois. Moi je racontais donc sur Facebook et je partage ça avec vous il y a très longtemps. Nous étions assis tous les deux sur un banc du Parc Royal à Bruxelles, c'est une histoire authentique. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, eh bien elle a dit à sa maman qu'il était moche et collant en parlant de moi. Non, je ne suis pas moche et collant. N'empêche qu'une semaine après, on démarrait une histoire d'amour qui a duré quelques années. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et puis, ça me rappelle aussi ce qu'un de mes collègues, quand je travaille au Royal Automobile Club à Villeurbanne, Abdel. Je me demande ce qui devient Abdel. Il me disait, en fait, lorsqu'on découvre l'âme d'une personne, eh bien, l'aspect physique n'a plus d'importance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la philosophie, oui. Donc n'hésitez pas, si vous me demandez en ami sur Facebook, je vous accepterai et on pourra peut-être discuter de plein de chouettes choses. Et on poursuit avec The Honey Badger, Summer Skin, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi et puis Yusuf Cat Steven, Wild World. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien raison d'écouter La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir plein de choses, qui vous fait voyager. On a une page Facebook, La Croisière Folk, et puis vous avez envie de nous écrire, eh bien, lacroisièrefolk en un mot, @yahoo.com. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Summer solstice looks like rain, locking eyes on the longest day. Come together, then move away. Summer solstice looks like rain. Sweat, bitter, sweet grass skin. The rush of blood when it begins. Feels like fire from way back when. In my periphery I can see the end. Summer night, short and sweet, and choking on the heat. I'm in my summer skin just for a while.

and smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Aujourd'hui dans la Minute Astuce, eh bien, je vais vous dire comment garder la forme en mangeant des pommes. La pomme est un fruit qui est peu calorique, qui est très riche en antioxydants et en fibres. Plus on en mange et plus on réduit les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors s'il est vrai que c'est pas un fruit défendu, bien au contraire, et on peut même, mais là il vaut quand même mieux demander un avis médical. J'avais lu, je pense que c'est dans un des livres de Maurice Mességuier, qu'on peut faire une cure de pommes. Pendant 3 jours, on ne mange que des pommes et ça permet de purifier et se faire une sorte de cure détox. Et puis la pomme, eh bien, elle chasse le médecin. On dit manger une pomme par jour et vous chasserez le médecin. Le tout, bien sûr, c'est de savoir bien viser. Allez, tout de suite, voici le vent du nord avec la marche des Iroquois, Aqua Viva, Labrador des Campos Seco et Eugenio Benato, mon père et ma mère. Cet extrait de son album Canzoni di Contrabando, un album de 2016 et... Pour tout savoir, il est né à Naples, donc il est napolitain. Hey, ali, tilly, dam, di, de, ali, tilly, dam. Hey, ali, tilly, dam, di, de, ali, tilly, dam. Hey, ali, tilly, dam, di, de, ali, tilly, dam. Hey, ali, tilly, dam, di, de, ali, tilly, dam. Hey, ali, da, da, dim, di, dam, tilly, dam, de. Hey, ali, da, da, dim, di, dam, da, tilly, dam. Hey, ali, dam, da, tilly, dam, da, di, de, ali. Hari li dam, hey, hari tilli dam, di de, hari tilli dam. Hey, hari tilli Hey, ya di da da dim di dam, di di dam de, yeah, ya di da da dim di dam, ha di di dam. Hey, ya di dam da di dam, da di de, ya di dam da di di dam, da di di dam, da di da da di dam, da di di da, di di dam da, da di da da di dam, da da di di dam. Ya ya di da da di dam, da di di da, di di dam da, da di da da di dam, da da di di dam. Ya ya di da da di dam, da di da, di di dam da, da di da da di dam, da di di dam. Ya da di da da di dam, da di da, di di dam da, da di da da di dam, da di di dam. Hey, ya di di di dum di di, ya di di di dum. Hey, ya di di di dum di di, ya di di di dum. Hey, ya di di di dum di di, ya di di di dum. Hey, ya di di dum di di, ya di di di dum. Hey, ya di da da dum di dum di dum di, ya di da da dum di dum da di di dum. Hey, ya di da da dum di dum di dum di, ya di da da dum di dum da di di dum. Hey, ya di doliendo la entraña de ver lo que está pasando. Sobre el pellejo de España, de ver lo que está pasando sobre el pellejo de España. Campo seco, camino del campo santo, jornalero de lo tuyo, en tierra de cuatro intermediarios. toute la musique que j'aime, elle vient de la croisière folk. The best music. Mon père et ma mère se sont connus dans la galère. Comme un guitare, ils m'ont laissé dans la misère. Con mio padre, con mia madre, che ho cominciato a maledire la geometria di questo mondo, che non è esattamente tondo, perché è un mondo fatto a scale, e c'è chi scende e c'è chi sale, perché è una giostra che gira sempre, e c'è chi sale, c'è chi scende, e chi è baciato dalla fortuna, chi non gliene va bene una, perché la scala da scalare non è per tutti uguale. Mon père et ma mère se sont connus dans la galère. Comme un héritage, ils m'ont laissé dans la misère. Mon père et ma mère, pour faire la vie que moi j'espère. Comme un héritage, ils m'ont laissé sans passeport et sans papier. Et en partant du Douala, du Cameroun, Nigeria, pour traverser les Sahara jusqu'à la Méditerranée, attraper la patrie, pour accoster à ta rive, t'as pas besoin de tout visa, mais de ta jambe. E non si può vivere senza mare, ma si può vivere senza padrone. E da mio padre, da mia madre, che ho imparato questa canzone. E c'è chi è libero di viaggiare, e chi se viaggia è irregolare, con la sua carta d'identità di Camerun, di Senegal. Perché nel mondo fatto a scale c'è il superfluo, c'è l'essenziale, c'è il nord-ovest che comanda e c'è il sud che canta. Mon père, mon père, se sono conosciuto la galera, come l'Italia mon laissé dans la misère. Mon père, mon père, pour faire la vie que moi j'espère, come l'Italia mon laissé sans passeport et sans papier. Au Sahara, nous sommes 100 000 affûts, toujours de la famille et du démon qui nous retient emprisonnés dans le pays. Allons enfants de la patrie, nous vers la liberté d'autrui, ensemble dans le même chemin, les musulmans et les chrétiens. Et c'est la politique, et c'est l'arte, et c'est qui reste, et c'est qui parte, et c'est la guerre, et c'est la festa. E c'è chi parte, c'è chi resta, c'è una favola del potere, c'è una favola popolare, e da mio padre, da mia madre, me la son fatta raccontare. C'è una musica di fanfare nel grande esercito coloniale, e c'è una musica della terra, del sud che si ribella. E io parto di tua la vita, non mi dice gli avvocati. Et voilà, nous sommes arrivés à bon port, nous avons fait une splendide croisière, on a découvert pas mal de choses, pas mal d'artistes, et on se quitte avec Bepe Gambetta, Terra Madre, c'est la plage titulaire de son album sorti en 2024. Alors la musique de Bepe Gambetta se caractérise par des émotions intimes, une grande communication, des tonalités raffinées, une sobriété et un humour certain. C'est une musique inspirée qui évite de se baser uniquement sur son haut niveau d'excellence technique, mais qui révèle également les sentiments intérieurs d'un esprit brillant et enjoué, qui ne cesse d'explorer et d'innover tout en restant fermement attaché à la tradition. Alors lui, il est italien, hein, tout comme Eugenio Benato, il est né à Gênes. Et il faut savoir que, en dehors d'avoir revendiqué la paternité du pesto, de la focaccia génoise, des jeans et du jeu de loto, eh bien, Gênes également associe son nom à la naissance, avec d'autres villes, de la coutume de l'apéro. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis c'est important, c'est à Gênes que en 1574 fut créée la première corporation des fabricants de pâtes alimentaires dotée de ses propres statuts. Ça s'appelait Capitoli dell'Arte del Fidelari. Voilà, comme ça, vous savez tout. Allez, on se quitte donc avec Beppe Gambetta Terra Madre. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Je vous rappelle, vous pouvez nous réécouter autant de fois que vous voulez sur ir10.com ou sur Mixcloud. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à nous écrire lacroisièrefolk@yahoo.com. Allez, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. The funky spaceman over here is Mr. Cooper. Oh, y a personne? Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle le porte rarement. Laisse-moi te dire un truc. Les hommes, c'est comme les maisons. S'il n'y a pas de fondation, tout s'écroule. La croisière folk. C'est absolument génial et fantasmagorique. Well, I've been now my old rover for many a year, and I've spent all my money on whiskey and beer. But now I've returned home with gold and great store, and I never will be a wild rover no more. Wild roving I'll give over, wild roving no more. And I've been a wild rover, no, never, no more. Wild roving I'll give over, wild roving no more. I have been a wild rover, no, never, no more. I went into an alehouse I used to frequent, and I told the landlady my money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Same custom like yours I can get now any day. Wild roving I'll give over, wild roving no more. I have been a wild rover, no, never, no more. Wild roving I'll give over, wild roving no more. I have been a wild rover, no, never, no out from my pocket a handful of gold, and upon the round table it glittered and rolled. She said, I have whiskey and wine now of the best, and the words that I spoke they were only in jest. Wild roving I'll give over, wild roving no more. I have been a wild rover, no, never, no more. Wild roving I'll give over, wild roving no more. I have been a wild rover, no, never.